retrouver l'issue vers cette femme disparue. Ce murmure que j'attends, j'attends, j'attends. Retrouver l'issue sort de l'inattendu. Ce murmure que j'entends. C'est l'amour de soi, mon essor. Je défile avec Alain. C'est mon souffle, mon héritage. La vie en présage, puis le fond de mon bel horizon. Je retrouve l'issue, la vie prend le dessus. C'est le murmure que j'entends, j'entends, j'entends. Je retrouve l'issue, la vie prend le dessus. C'est à partir que je m'élance, j'avance. Mon hymne à la vie. La lumière m'éclaire sans cesse au fond de moi. Je nourris cet espoir auquel je crois, mon hymne.